T'es fatigué. Ya, ya, le gentil Marouilla. Venu, t'as souhaité la bienvenue. Oh, du casa à Bamako. Oh, le monde est vraiment beau. Fais, fais, Marina m'a réchauffé. Chaud, chaud, avec son poncho. Shiva. Dans, dans, Jeanne toujours content. Cœur, cœur, a ouvert son grand cœur. Les sabots du zèbre résonnent encore lorsque Tao arrive dans son village et vide son sac rempli de chansons. C'est la fête, il retrouve famille et amis qui lui posent mille et une questions. Sont-ils grands ou petits? De quelle couleur? Quelles sont leurs envies? Tao ne sait que répondre à ces interrogations. Au plus profond de son cœur, il ressent tous les sourires de ses amis réunis dans une étincelle de bonheur. Vous savez, l'une des plus grandes richesses de ce monde, c'est la différence. Alors l'essentiel est de s'aimer tel que l'on est.